débrouillard. Démon One. Bene, Will, Moubaraka. C'est à mon tour de lancer l'été, ma tour de faire célébrer. Je vais arriver seul tour parce que personne n'est plus m'aider. Alors j'ai embarqué la rage dans mes affaires, lourde sur mes phrases, sur la rime, faut une altère. Débrouillard, j'ai dû porter plusieurs casse-têtes. Un casse-tête sur ma tête, j'ai posé plus en X-step. Débrouillard parce que j'ai avancé sans boussole. Tout seul avec la haine, quand je fais mal, elle me console. Débrouillard, on court tous vers les pépettes. Mon modèle à la barmette, j'ai failli prendre perpète. T'es comme débrouillard, comme un blédard qui arrive. La robe à la France, à la douane, on se crie. Débrouillard, dans hors de grande peur. Mon palais que je pose même avec un chanteur d'opéra. Débrouillard, j'ai dû mettre les pieds sur la table. Ressens mon ventre vide, là il est temps de passer à table. C'est mon parade, j'ai la rage d'un blédard. Débrouillard, et moi tu sais que je prends pour quelques dollars. Débrouillard, et moi même après tous ceux qui crachent au placard. Mais les gars on n'a pas le choix, mais nous on fait face à tout ça. Débrouillard, c'est mon parade, j'ai la rage d'un blédard. Débrouillard, et moi tu sais que je prends pour quelques dollars. Débrouillard, et moi même après tous ceux qui crachent au placard. Mais les gars on n'a pas le choix, mais nous on fait face à tout ça. J'ai appris à m'en sortir grâce au business, à la débrouille. Pour vivre au milieu des ouf, il faut du vice, une paire de couilles. J'ai débrouillard et banlieue ça, on veut les euros et les dollars. Sur les tâches, je crache un molard, peu leur dit au sonar. La vie dans le ghetto, un polar, pour les condés, un cauchemar. Où chaque acteur veut sa part, l'ennemi planqué dans le noir. Sans la deal, sans le vol, sans la tête, j'en serais pas là, je sais d'où je viens. De l'école, de la débrouille et de ses remparts. Débrouillard, parce que t'as pas le choix, c'est ça ou le linceul. Débrouillard, parce que sans thune, les portes se ferment, tout sont seul. Débrouillard, car il faut pas, je veux pas trouver la bouche ouverte. Système D comme des murs, ça me connaît comme les emmerdes. Débrouillard, car j'ai la rage, j'emmerde le keuf et Sarkozy. Débrouillard, car ce système me monte du doigt et me haït. Au passage, je pèse la droite et tous ces gros dettes de colons. Je trouverai jamais ma tagine contre les pieds de pochon. Débrouillard, c'est mon parade, j'ai la rage d'un blédard. Débrouillard, et moi, tu sais que je prends pour quelques dollars. Débrouillard, et moi, même après tous ceux qui crachent au placard. Mais les gars, on n'a pas le choix, mais nous on fait face à tout ça. Débrouillard, c'est mon parade, j'ai la rage d'un blédard. Débrouillard, et moi, tu sais que je prends pour quelques dollars. Débrouillard, et moi, même après tous ceux qui crachent au placard. Mais les gars, on n'a pas le choix, mais nous on fait face à tout ça. En étant perdu en plein brouillard, j'ai compris l'art de la débrouille. La vie en est ainsi, personne ne viendra te porter les couilles. Demande à mou, toujours moyen de casser la baraka. Si t'as commis l'irréparable, j'espère que t'as coffré pour la vainca. Ne comptant que sur les miens, mon Dieu, mes doigts. De faire preuve d'indépendance, dans ce monde je me dois. Que ce soit dans la vie ou dans le bise, ce sera toujours la même devise. Je marche avec la débrouille, en gros instinct de survie oblige. Un check pour les frères qui trahissent pas pour réussir. Je respecte toutes ces sœurs qui donnent pas leurs fesses pour s'en sortir. Outil million de façon brassée, draver le monnaie cash. Attention avec qui tu opères pour éviter tout coup de grâce. Même si la vie m'a déçu, je ferai pas partie de leur sensu. Y'a plus le temps pour antiner, c'est pas pour rien que j'ai été conçu. Je me suis trop laissé aller, donc du temps j'en ai perdu. Mais j'ai su faire de la débrouillardise une de mes vertus. Débrouillard, c'est mon parade, j'ai la rage d'un blédard. Et moi, tu sais que je prends pour quelques dollars. Débrouillard, on même après tous ceux qui crachent au placard. Mais les gars, on n'a pas le choix, mais nous on fait face à tout ça. Débrouillard, c'est mon parade, j'ai la rage d'un blédard. Et moi, tu sais que je prends pour quelques dollars. Débrouillard, on même après tous ceux qui crachent au placard. Mais les gars, on n'a pas le choix, mais nous on fait face à tout ça. Dis-toi bien que je suis un jeune, mais je peux être un débrouillard. Peu importe les circonstances, cela me fait une qualité. Car peu mettre tout ce raisonnement, et ce n'est pas depuis hier. Mais beaucoup de gens ne le sont pas, ce qu'ils veulent c'est cracher sur toi. L'hypocrisie prend possession et ne peut pas baisser les bras. Rappelle-toi, beaucoup d'entre eux ne t'aiment pas toi, mais ce que t'as. Parcourir les allées du quartier, l'envie de s'en sortir. Réussir où il y a eu échec, déterminé, prêt au pire. Nous veut rester débrouillard, et ne se fait qu'à son instinct. Beaucoup de nos enragés aimeraient te faire prendre des grands chemins. Je suis débrouillard dans la vie, mais aussi dans l'écriture. La vie est dure, je laisse pas tomber, sinon la chute sera très dure. Dur, un haut qui saisit près du but, faut pas échouer. Ma fierté dépend de personne, sauf d'une chose, ma volonté. Et de servir que par soi-même, c'est la vie d'un débrouillard. Car mes nuits ne tournent pas au rêve, mais virent au cauchemar. C'est mon parade, j'ai la rage d'un blédard. Et moi, tu sais que je prends pour quelques dollars. Débrouillard, on même après tous ceux qui crachent au placard. Mais les gars, on n'a pas le choix, mais nous on fait face à tout ça. Débrouillard, c'est mon parade, j'ai la rage d'un blédard. Et moi, tu sais que je prends pour quelques dollars. Débrouillard, on même après tous ceux qui crachent au placard. Mais les gars, on n'a pas le choix, mais nous on fait face à tout ça. Débrouillard, t'inquiète, c'est le rap du 9-4. C'est mon paraka, Demo One, Mafia qui en free.